Et puis on va continuer dans la joie et la bonne humeur avec Control, film d'Anton Corbijn, qui n'est plus à l'affiche que pour quelques jours, hélas, qui est sorti il y a quelques temps maintenant, hein, je dirais bon mois. Facilement, oui. Un bon mois, finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Et si je dis qu'on reste dans la joie et la bonne humeur, c'est que Control est centré sur la vie de Ian Curtis, célèbre chanteur du très culte groupe de la fin des années 70, début des années 80, Joy Division. Oui, et on peut peut-être expliquer de la Cold Wave. Le titre, en fait, est en soi quelque chose d'assez référentiel. Puisque ça fait référence au titre d'une célèbre chanson de Joy Division qui s'appelle She's Lost Control, et en même temps Control parce que Ian Curtis lui-même n'avait pas tout contrôle sur son corps. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, petit récapitulatif vite fait. Anton Corbijn, photographe et réalisateur hollandais qui a une cinquantaine d'années. Célébrissime, hein, on peut célébrissime. Il a commencé comme photographe spécialisé dans le rock, dans le New Musical Express fin des années 70. Et ses photos sont célèbres dans le monde entier. Sa marque de fabrique, c'est un noir et blanc d'un esthétisme à la fois très travaillé, mais qui parfois côté un peu brut, un peu granuleux, un peu, comme un ça. Peu cru effectivement. Ouais. C'est notamment la pochette de Joshua Tree, si je ne m'abuse, ouais. Et puis plein de pochettes de photos pour Dépêche Mode aussi par exemple. Oui. Et il a fait plein de clips pour des artistes pas forcément toujours très célèbres ou qui le sont peut-être plus trop maintenant, mais il a travaillé dès le début des années 80 avec des gens comme David Sylvian, Echoes, The Bunnymen, U2, je le disais, Dépêche Mode, Front 242, il a réalisé pas mal de clips pour Front 242, Nick Cave, Johnny Cash, Ori Rollins, Metallica, donc vraiment une pointure de l'univers visuel du rock. Et à 52 ans, il s'attaque enfin à son premier long métrage de fiction, et pour un coup de Sester coup de maître, puisqu'il a obtenu une mention spéciale à la Caméra d'Or au Festival de Cannes cette année, donc Caméra d'Or, une compétition qui récompense les meilleurs premiers films. Et comme je vous le disais donc, ce film consacré à Joy Division n'est pas à proprement parler un film rock'n'roll ou sur le rock'n'roll. C'était un écueil que voulait absolument éviter Anton Corbijn. D'ailleurs, il se refusait à l'idée de faire un premier film sur le rock. Et puis finalement, quand on lui a proposé d'adapter le bouquin écrit par la veuve de Ian Curtis, il s'est replongé dans sa jeune vie d'adulte d'alors, sa post-adolescence, et il ne pouvait pas passer à côté de ce sujet. Et donc, bien plus, ou en tout cas, bien différemment d'un film sur le rock, c'est avant tout un film sur un jeune anglais, issu de la banlieue de Manchester, d'une famille pas pauvre, mais plutôt modeste. Et dès l'adolescence, ce jeune Ian est manifestement un peu marginal, un peu artiste. Il écoute David Bowie à fond les ballons, porte des manteaux de fourrure et se maquille. Donc on sent qu'il est déjà... C'est un rebelle. Voilà, peut-être pas rebelle, mais en tout cas un peu original. Et le début du film est vraiment très très touchant. Ça commence un peu comme du film social anglais. Un petit peu moins suicidaire et dépressif que du Ken Loach, et un peu moins hystérique aussi, avec des beaux moments de comédie, comme par exemple Ian Curtis et un pote qui vont chez les petites vieilles pour à l'heure du thé pour papoter, et puis ils en profitent pour aller dévaliser la pharmacie et se bourrer de médoc. D'accord. Histoire de faire des expériences. Écoute. Et ce fan de Bowie qui écrit des poèmes et des paroles de chansons, qui lit Ballard et Burroughs, il tombe amoureux de Deborah, et de manière très rapide et très bizarre et assez inattendue, il l'épouse à sa propre initiative, et pas très longtemps après ils décideront d'avoir un enfant. Mais l'autre grande partie de la vie de Ian Curtis, c'est la création de son groupe. Et on va évidemment assister à tous ces événements, mais jamais de manière... on n'est jamais dans la reconstitution. Le film est fort construit sur des ellipses. On assiste à énormément de moments sur scène qui sont très forts et très bien faits, parce que les acteurs ont pris la peine d'apprendre à jouer des instruments d'abord, et puis des morceaux ensuite. Donc leurs prestations live sont de vraies prestations live, et ça se voit, ça se sent dans la manière dont ils jouent, la manière dont ils transpirent, dans la manière dont le chanteur chante. C'est rarement, je crois, au cinéma cette espèce de ferveur et de sueur couleur et de d'atmosphère et d'énergie qui se dégage d'un concert rock aurait été aussi bien rendu vraiment de manière très authentique. Ça c'est vraiment très très impressionnant, surtout que les prestations de Ian Curtis étaient elles-mêmes très impressionnantes, avec une espèce de danse quasi épileptique, une espèce de transe, et ce n'est pas pour rien que je parle d'épilepsie, parce que assez rapidement Ian Curtis va s'apercevoir qu'il est épileptique. Il est atteint de crises assez violentes, assez impressionnantes, qui ne sont évidemment pas arrangées par la vie qu'il mène. C'est-à-dire, il travaille dans un bureau de placement genre Forum le jour, donne des concerts dans les quatre coins de l'Angleterre la nuit, évidemment boit beaucoup de bière. Les lumières dans la figure, voilà, la ça totale, n'arrange quoi. Évidemment pas sa condition, et il ne prend pas vraiment la peine d'expérimenter le bon cocktail de médicaments, celui qui lui permettra d'être bien. Donc c'est donc dans un état second qu'il terminera sa vie, complètement perdu, en plus entre sa femme et une maîtresse qu'il aura, très différent de sa femme, très mystérieuse, au contraire de sa femme qui, elle, subit et supporte la décision et l'absence de contrôle que Ian Curtis a sur sa vie. Contrôle, on est là, c'est au centre de cette vie de Ian Curtis, personnage qui prend des décisions qu'on ne comprend pas toujours, qui est un artiste qui se sent incompris. Les autres membres du groupe parfois ont l'air d'être complètement à côté de lui, il a l'air d'être un petit peu en marge de son propre groupe. Donc, comme je le disais, ce n'est pas simplement un film sur le rock, c'est aussi un film simplement sur un jeune paumé qui a des choix déchirants et qui pose des actes lourds de conséquences. Et si vous êtes fan de rock et puis qu'en même temps vous voulez voir une espèce de destinée fracassée, parce que Ian Curtis s'est finalement suicidé alors qu'il était fort jeune, hein, je pense qu'il avait une petite trentaine d'années. Oh oui, à peine. À la veille en plus de partir pour une tournée triomphale aux États-Unis. C'est donc à la fois une espèce de destin tragique un peu hors norme, mais tellement humain et tellement ancré dans le quotidien d'une Angleterre. Tout ce qu'il y a de plus banal, c'est pas du tout glamour, pas du tout dans le showbiz, que c'en est d'autant plus touchant. Donc vraiment très bon film à voir sur grand écran si vous en avez vraiment envie. Le film est en noir et blanc, ce fameux noir et blanc que maîtrise à merveille Anton Corbijn, sans jamais verser dans la marque de fabrique facile et dans les automatismes et l'esthétisme carte postale. C'est un choix esthétique qui s'est imposé de lui-même, et avec la musique du Joy Division en plus, c'est vraiment un film qui est un sacré trip. C'est peut-être aussi à voir d'autant plus vu l'âge de notre public potentiel, puisque c'est vrai que ces dernières années on parle beaucoup des années 80, des soirées années 80. C'est un peu une manière de rentrer dans un côté un peu moins glamour des années 80 finalement, parce que Joy Division est un peu une icône de cette période-là. Ça nous rappelle que malgré cette voix sépulcrale qui est caractéristique de Ian Curtis, qu'on n'est pas obligé d'adorer, parce qu'il avait quand même un chant très très particulier, que dans les sons, dans la rythmique, Joy Division est réellement un groupe fondateur qui a encore une influence de nos jours, d'autant plus que tous ces revivals du rock fin des années 70, années 80 est présent. Ça nous rappelle combien Joy Division est un groupe indispensable et qui ne s'est pas éteint à la mort de Ian Curtis, puisque les autres membres du groupe ont après formé New Order et qui est toujours en activité, qui est vaguement toujours en activité, un peu moins maintenant à vrai dire. En album de temps en temps. Ils ont fait d'ailleurs composé quelques morceaux spécialement pour la BO du film, et groupe qui après expérimentera beaucoup plus dans l'électronique et qui sera un des pionniers de l'arrivée en Angleterre et en Europe de la musique électronique des États-Unis. Pour boucler la boucle. Absolument.